peigné de zec. Débarque avec un rap saignant comme un tampax après usage. Putain de faux gras comme du zit pour mettre les petits gars à la page. Note que le blast de ma prod c'est un doigt de maçon dans le bas du dos. C'est pour ceux qui rêvent de nous voir tomber de haut. Pas de risque, on est déjà en bas mais avec les autres en dessous. Du bon sens c'est ce que veulent mes gars, interdit aux petits checous. ODS est déjà mort. Que les gars quand on grimpe sur scène avec nos crews. Parfum et maintes et numéro des crews, garçons écoute. Que les critiques aillent se faire foutre. Couplé écrit au gros feutre sur un putain de pupitre Larry Scott. Si tu sais pas de quoi je parle, va à la salle, tu comprendras peut-être. J'en place une pour ceux qui poussent la fonte et qui s'en mettent plein la tête. Je parle pas de défoncer un deck, mais de travail dans les cordes avec protège-temps. Rien à voir avec ceux qui perdent leur temps à chauffer le banc. Toujours à la même putain de place, éternel remplaçant. Peu importe, arabe, noir et blanc, au final, toujours perdant. C'est chaud comme un gros V6 en zone rouge. Putain de rap qui dérange, truc de barge. Une équipe qui bouge. C'est chaud comme un gros V6 en zone rouge. Un truc vraiment trop sale, comme un suicide au calibre. C'est chaud comme un gros V6 en zone rouge. Putain de rap qui dérange, truc de barge. Une équipe qui bouge. C'est chaud comme un gros V6 en zone rouge. Un truc vraiment trop sale, comme un suicide au calibre. Tout ce beat, ça part en couille. On se croirait dans Suisse sur pied. Dans nos têtes, on est vrillé. Comme un hooligan de Chelsea. Si, c'est quoi, Benny? De MC recherché mort au vif, piqué au vif. On revient coupe à la main, t'es quand vif. Encore une gifle de plus dans ta sale gueule amochée. Il faudrait arrêter d'agiter ton micro comme un hochet. T'as l'air fâché, gâché par cette nouvelle mise à l'amende. Fallait t'y attendre. Voilà 10 ans qu'on ne rappe pas pour l'étendre à nous entendre. Ça fait longtemps que t'aurais dû comprendre. De notre passé, il ne reste que des canettes, des mégots et des cendres. Y'a plus de pèse à prendre, juste des mecs à mettre à la page. Plus de 10 piges qu'on surnage. À la sauvage et à l'image d'une fille sapée en latex. Dans un film bondage, on a pris de l'âge, mais quand même gardé tous nos délires de barge. Voilà un nouveau braquage, lève tes putains de mains en l'air. Et si t'es pas crochu, laisse-moi tiser un ou deux coups sur ta pierre. Wesh wesh, Benny Blanco, ZGUA, la connexion de malade. Originaire du sud et déjà mort crude à la place. C'est chaud comme un gros V6 en zone rouge. Putain de rap qui dérange, truc de barge. Une équipe qui bouge. C'est chaud comme un gros V6 en zone rouge. Un truc vraiment trop sale, comme un suicide au calibre. C'est chaud comme un gros V6 en zone rouge. Putain de rap qui dérange, truc de barge. Une équipe qui bouge. C'est chaud comme un gros V6 en zone rouge. Un truc vraiment trop sale, comme un suicide au calibre 12. Mon ami, on te souhaite la bienvenue en terrain hostile. Entre les rimes qui fusillent et la violence du stylo brille sur le fil. Combien de putes sont étendues à poil. Nous c'est pas pile ou face qu'on a fini premier. La poule, ça fout les poules. Qu'on ramène la foule sur le grill. Que le public s'emballe. Au scratch du premier vinyle, c'est facile de deviner qui fout la merde en ville. Fait péter à cette style pour défoncer le Brésil. Allez sur le tempo, pas comme ta meuf et son tampon. Et rouge pose un texte qui dit que dans le Médon, les phases me font briller comme une fausse Rolex. Faut se bouger car depuis l'exode de Moïse, tout va trop vite. Remplis ton beat, tes poches et ta cervelle, gamin. Ce monde est trop speed, trop fou, trop plein de pédales. Et de balles trinques, sus beat qui se prennent pour des caïds. Beaucoup de racailles dans le coin et pas de mes. C'est chaud comme un gros V6 en zone rouge. Putain de rap qui dérange, truc de barge. Une équipe qui bouge. C'est chaud comme un gros V6 en zone rouge. J'aime tout vraiment trop sale, comme un suicide au calibre. C'est chaud comme un gros V6 en zone rouge. Putain de rap qui dérange, truc de barge. Une équipe qui bouge. C'est chaud comme un gros V6 en zone rouge. J'aime tout vraiment trop sale, comme un suicide au calibre 12.